Après avoir pris leur dernier repas, Jésus et ses disciples se rendent au jardin des Oliviers. Jésus savait qu'il vivait là son dernier jour. Que le jardin est calme en ce soir de printemps. À peine le bruit du vent dans les branches des oliviers vient-il troubler le silence. Que le jardin est calme en ces jours de fête. Et quelle différence avec la ville pleine de foule bruyante et poussiéreuse qui se presse au temple. Chacun prépare la fête de Pâques. Il faut se procurer le plus beau des moutons. Un beau mouton blanc que les prêtres offriront en sacrifice sur l'autel, au centre du temple. Voilà la tradition. Tradition tant de fois recommencée. Chaque année, chaque printemps. Depuis que le peuple hébreu, conduit par un certain Moïse, a quitté l'Égypte des pharaons pour fuir l'esclavage. Jésus est agenouillé dans un coin du jardin et il prie. Il demande à Dieu de lui donner du courage, de la force, de la tolérance, de la compréhension. Mais pourquoi ? Pourquoi ce genre de prière ? Jésus ne fait que le bien autour de lui. Il ne peut être qu'estimé, aimé. De quoi a-t-il peur ? Ses disciples, ceux qui l'accompagnent, tellement persuadés, eux aussi, que rien ne peut arriver, dorment à poing fermé à l'autre bout du jardin. C'est lui, c'est lui ! Arrêtez-le ! Judas, le traître de la bande, pour quelques pièces d'argent, avait indiqué au serviteur du grand prêtre, l'ennemi juré de Jésus, l'endroit que celui-ci avait choisi pour passer la nuit. Réveillés par le bruit, ceux qui dormaient au fond du jardin saisissent leurs épées et s'apprêtent, par la force, à libérer Jésus. « Lâchez-le !» crie un ami de Jésus en tranchant d'un coup d'épée l'oreille d'un des serviteurs du grand prêtre. « Laissez faire !» répond Jésus en recollant l'oreille de l'homme. Ce sera son dernier miracle. Et voilà Jésus jeté devant les tribunaux. Des tribunaux qui n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur la raison pour laquelle on tient absolument à condamner cet homme. Que lui reproche-t-on ? De parler de liberté ? De parler de justice ? De parler de fraternité ? Mais que lui reproche-t-on ? De guérir les cœurs, les corps, les âmes ? Mais que lui reproche-t-on ? Qu'il devienne le roi à la place du roi ? Il mérite la mort ! Et les juges se transforment en bourreaux. Il mérite la mort ! Et la foule sombre dans la folie. Il mérite la mort ! Mais je ne vois aucun motif de condamnation, s'écrie Pilate, le gouverneur romain. Trouve-en un, n'importe lequel ! Soit, vous voulez un sacrifice pour qu'en ces jours de fête, le sang coule encore. Soit, vous voulez un homme à abattre pour calmer vos peurs de regarder l'avenir en face. Soit, vous voulez une exécution en bonne et due forme pour vous réfugier derrière la loi, le pouvoir, la force. Alors prenez ce Jésus de Nazareth, bafouez-le, torturez-le, crucifiez-le, je m'en lave les mains. Jésus est abandonné de tous. Jésus est abandonné même par Pierre, son premier compagnon, qui ira jusqu'à affirmer 3 fois de suite qu'il ne connaît pas l'homme que l'on vient d'arrêter et de condamner à mort. Jésus est seul entre les mains de ses bourreaux. On lui arrache ses vêtements, on le fouette, on lui couvre la tête d'une couronne d'épines, on le charge d'une énorme croix.